بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا رد مختصر على المدعو إسلام بن أحمد فيما يتعلق بالحلاج نلي ensemble كلام هذا الرجل sur Al-Hallaj. أولاً, cette parole de Islam ibn Ahmed qu'on va lire sur Al-Hallaj, elle est qadima. Elle date il y a quelques mois ou quelques années. Et on lit ensemble aujourd'hui une brève réfutation. لماذا لأن في هذا الشهر أو في شهر رمضان الآتي هذا العام 1440 سينشر مسلسل في شخصية الحلاج. Ils ont fait une série sur Al-Hallaj dans un pays arabe et ils vont la propager pour Ramadan. Et probablement certains d'entre eux ne connaissent pas Al-Hallaj et ils ne connaissent pas ses égarements. Et cette série, il va être présenté comme une personnalité du monde islamique, un savant, un homme pieux. Enfin, Al-Wajib, c'est de montrer Hal, هذا المنحرف Al-Hallaj. كذلك, on en profite pour mettre en garde contre هذا الجاهل المنحرف إسلام بن أحمد أنه إلى parlé de الحلاج. Et ce كلام il est pris d'une série sur les savants rejetés par les fanatiques. هكذا يقول أنه إلى fait une série sur des imams que pour lui sont rejetés. هذا c'est من التلبيس لأن منهم إلى ستة الإمام طبري فيما أذكر الإمام النسائي هؤلاء c'est من أئمة السنة. Et ils ne sont pas rejetés. Il y en a les fanatiques pour lui, c'est Ahl al-Sunnah, Salafiyoun. Et Anzur, Al-Talbis, Wal-Makr. Annahu, dans cette celle-ci-là, il a mis Al-Hallaj. Roubama, khasatan, les frères francophones qui n'ont pas accès aux ouvrages des savants, peut-être qu'ils pensera que Al-Hallaj, c'est un imam, comme l'imam Tabari, c'est un imam, l'imam al-Bukhari, c'est un imam, l'imam al-Nasa'i. هذا من تلبيسه قال dans cet audio parmi eux et parmi ces savants qui sont rejetés Al-Hallaj ce qui va peut-être surprendre فانظر il a dit ce qui va peut-être surprendre ثم il a cité Al-Hallaj pourquoi ça va surprendre لأنه et c'est ça la gravité c'est pour ça que هذا الرجل c'est un munharif زائغ faut mettre en garde contre lui ولا يجالس ويهجر لله عز وجل. Et ses suiveurs, vu que beaucoup de ses suiveurs, ils sont en France, le public francophone, et beaucoup ils ignorent. Ou là, on leur montre. بالتي هي أحسن, avec un audio, avec un kitab, tu lui montres ses égarements. أما هو, il sait très bien les égarements de الحلاج. فلهذا قال, ça va surprendre. صحيح, celui qui a la علم, qui connaît الحلاج. L'échec, ça surprend, mais en fait, ça surprend pas. Ça montre que Islam ibn Ahmed, c'est un égaré. Et c'est un égaré, même s'il n'aurait pas, il n'aurait pas parlé d'Al-Hallaj. Il a beaucoup d'égarements qu'on a déjà expliqués. Lakin, al-haqiqa, c'est très très grave. Quand vous allez entendre les égarements d'Al-Hallaj, min kalam ahl al-ilm, et vous allez voir comment il le cite en bien, al-haqiqa, ça montre un rajul, c'est un za'ir. Qala. Al-Hallaj, je le considère comme un savant de l'islam. Loin de ses idées que je trouve qui ne sont pas compatibles avec la croyance musulmane. Il le considère comme un savant de l'islam, sans ses idées que je trouve qui ne sont pas compatibles avec la croyance musulmane. Famin ayn lahu, c'est un savant de l'islam. Si ses idées, et sa aqida, si sa aqida, elle contredit l'islam. Comment tu dis un savant de l'islam? Quel islam? Et quel ilm? Vous allez voir qu'on ne peut même pas parler de musulman. Comment parler de ça? Qala, loin de ces idées que je trouve qui ne sont pas compatibles avec la croyance musulmane. Wa la taghtarru bihadha al-kalam. Li'annahu yadil an annahu yakunu ses égarements ila akhiri, lakin il va lui trouver une excuse et il va montrer en haqiqa an al-hallaj, c'est pas un égaré. Qala, mais comme il le considère comme une personnalité, un poète, un pieux. Qala, Pour moi, c'est une personne que l'on doit respecter. Et son côté positif était plus important que son côté négatif. Donc, on résume, pour lui, c'est un savant de l'islam. C'était un poète, un homme pieux et une personne respectable qu'on doit respecter. Et il avait des erreurs. Lakin, son côté positif, il était beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'il l'a cité dans sa série « Les savants rejetés de l'islam ». قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. On va citer trois sources qu'on ne répétera pas. البداية والنهاية الإمام ابن كثير رحمه الله. Il a cité une biographie de Al-Hallaj. سير أعلام النبلاء de الإمام الذهبي رحمه الله. Il a cité كذلك une ترجمة de Al-Hallaj. Et كذلك ابن تيمية رحمه الله الإمام. Il a montré les égarements de Al-Hallaj كثيراً. والإمام ابن الجوزي رحمه الله إلى أن كتاب سير الحلاج أي منتر سيزيغارمون لكن ce كتاب أنا je ne l'avais pas quand j'ai préparé هذه الكلمة على كل حال ici tous les mêmes choses تقريبا قال ابن كثير رحمه الله تعالى ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله أو نتحمل عليه في أقواله وأفعاله فنقول لماذا On cite ce kalam de l'imam ibn Kathir, rahimahullah. L'yanna mitla ha'oula al-dullal, que ce soit Islam ibn Ahmed, ou al-Sufiyya, ou al-Rawafid al-ladhina yudafi'una an al-Hallaj, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, vous mentez sur lui, vous inventez sur lui. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il a menti sur al-Hallaj, il a akhir. Islam ibn Ahmed lui-même, il reconnaît. Qala, loin de ces idées que je trouve qui ne sont pas compatibles avec la croyance musulmane. Qui c'est qui t'a informé? Qui c'est qui l'a informé en هذا l'aïmma de sunna قال الامام ابن كثير رحمه الله هو الحسين ابن منصور ابن محمي الحلاج ابو مغيث وقيل ابو عبد الله ثم il a cité une longue ترجمة d'al-Hallaj et on va citer certains points اولا on cite الكفر والزندقة d'al-Hallaj Et la mécréance, la grande mécréance que Al-Hallaj il a dit, l'a prononcé et qu'il a faite. Qala Al-Hallaj fi qasidatin dans une poésie, c'est un poète. Lakin kam min qawi fi shi'r, iyadan billah il a pas dit. Huwa maîtrisait la langue arabe, il maîtrisait la poésie, lakin ta'ammal ma'i, qu'est-ce qu'il a osé dire dans cette poésie? Qala ana anta bila shakki fa subhanaka subhani. وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني وإسخاطك إسخاطي وغفرانك غفراني الحلاج il était connu عيادا بالله أنه il avait la croyance de الحلول ووحدة الوجود ça veut dire quoi الحلول ووحدة الوجود قال أنا أنت بلا شك il a résumé en la première partie du vers أنا أنت بلا شك أي il parle d'Allah عز وجل أي أنا أي lui et Allah c'est les mêmes أي Allah c'est lui et lui c'est Allah عيدا بالله قال فسبحانك سبحاني أي quand نحن on dit سبحان الله ففي الحقيقة c'est comme si واحد il dit سبحان الحلاج عيدا بالله pour lui c'est la même chose pour lui il n'y a aucune différence entre la créature et le créateur ce qu'on appelle وحدة الوجود أي الوجود Il est wahid. Et tout ce que tu vois, c'est un. Il n'y a aucune différence entre le créateur et la créature. Qala wa tawhiduka tawhidi. Tawhiduka tawhidi. Et celui qui unifie Allah, il a unifié le Hallaj. Et celui qui unifie le Hallaj fil ibadah, il a unifié Allah azza wa jal. Qala wa isyanuka isyani. Celui qui désobéit à Allah, il a désobéi à l'Hallaj. Celui qui désobéit à l'Hallaj, il a désobéi à Allah. Est-ce que tu as vu un kufr aussi clair que هذا? فلهذا العلماء démontrent أن الحلاج qui fait partie de الباطنية القرامطة ils sont أكفر من اليهود والنصارى tu trouves un يهودي un نصراني ربما il dit pas ce كفر aussi clairement عيادا بالله هم ils vont dire que عيسى عليه الصلاة والسلام c'est le fils d'Allah ou c'est Allah أما هذا الخبيث يديه ça montre que son كفر il est encore plus grave Islam ibn Ahmed قال l'égarement qui est cité dans ses poésies, l'Anahu, il connaît où ses poésies. Et l'égarement qui est cité dans ses poésies, c'est comme une métaphore. On donne les excuses. L'ennahou, il veut pas être clair dans l'audio, dire que c'est un égaré. Et normalement, nasiha les musulmans, faites attention. N'écoutez pas hada shakhs. Peut-être que wahed, il lit sa poésie, ou il lit un de ses livres. Peut-être qu'il s'égarera. Là, il cherche les excuses. Et l'égarement qui est cité dans ses poésies, c'est comme une métaphore. Qala, par contre, dans ses écrits, et tout ce qui est en dehors de la poésie, il montre clairement, et al-Hallaj, que celui qui dit Wahdat al-Wujud est un kafir. Et pour lui, comme il l'explique dans l'audio, annahu, toutes ces poésies d'Al-Hallaj, fiha kufr, Wahdat al-Wujud, il a akhiré, nous on a cité que ces quelques vers, ou illa fa y en a beaucoup. Ouais, il dit c'est une métaphore. Ta'lamoun, on a les poètes, ahyanan, ils exagèrent dans certaines choses. Pourquoi? Il y en a, c'est de la poésie. Des fois, c'est des choses, c'est amplifié, c'est. Fahou, il veut montrer que Falhaqiqa al-Hallaj, quand il a dit Ana anta bila shakki, c'était une métaphore. Quelle métaphore, ayyuha al-jahil? Et qawluhu wa tawhiduka tawhidi, explique-nous. Comment c'est? Iyadam billah. C'est du kufr billahi azza wa jal. Fa'inda Islam ibn Ahmed, ka'anna la poésie n'est pas prise en compte. Pourquoi, Liana, tu peux exagérer dans certaines choses, il a akhiré. Al-ulama yaqulun hada dans les poètes. Quand ils exagèrent un peu, ils disent « Hada, c'est min bab al-shi'r » et la basse. Annahum, ils ne prennent pas tout en compte. « Lakin fil kufr » et prétend que c'est lui, Allah. Quel imam a excusé Al-Hallaj? Men. Il a un za'ir comme lui. Ou quelqu'un qui ne connaissait pas son hal. Amma al-a'imma qui ont connu Al-Hallaj ou qui ont étudié ses poésies après ses écrits, qu'à l'imam al-Dhahabi, ou l'imam al-Kathir, ou l'imam al-Taymiyyah, on va lire ensemble leurs paroles. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين. الإمام ابن تيمية il a rapporté l'ijma. واحد peut dire mais pourquoi Islam ibn Ahmed il contredit هؤلاء الأئمة مع أنهم يرابورتي الإجماع. الإمام ابن تيمية il est reconnu أنه c'est شيخ الإسلام أنه c'est un imam من أئمة المسلمين même أهل البدع. Même les innovateurs à son époque, ils ont reconnu son fort et son ul. عند Islam ibn Ahmed, كما تقدم معنا, Ibn Taymiyyah, c'est un ignorant pour lui. Ibn Taymiyyah, c'est un perroquet. Il répète que des choses sans savoir. Et tout ça, on l'a cité dans les redoutes qu'on avait fait sur lui contre, sur le sujet des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, ses paroles, peut-être qu'il les connaît mieux que nous, لكن الانحراف. الانحراف والزيغ. قال الإمام الذهبي رحمه الله كما في السير تبرأ منه سائر الصوفية والمشائخ والعلماء حتى الصوفية مع أنهم c'est des égarés et ils se sont égarés dans plusieurs sujets, ils ont rejeté الحلاج. لماذا؟ لأن الحلاج c'est un باطني كما قال الإمام ابن كثير والإمام الذهبي et d'autres savants, أنهم quand il était avec le Mu'tazila il faisait apparaître Al-i'tizal, annahu c'est un mu'tazili. Quand il était avec Soufia, il faisait apparaître Al-Tasawuf, annahu c'est un soufi. Quand il était avec Rafida, Al-Shi'a, Al-Zanadiqa, il faisait apparaître que c'était un chiite. Quand il était avec Al-Sunna, il faisait apparaître que c'était un sunni. Iyadam billah. Nifaqun. Fal-imam al-Dhahabi, rahimahullah, il rapporte anna Soufia, ils l'ont rejeté. Wal-Mashayikh wal-Ulama. Qala lima satara min su'i tarjamatihi wa muruqih. المروق عيادا بالله سلفد السختير المروق من الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقد اتفق علماء بغداد على كفر الحلاج وزندقته وأجمعوا على قتله وصلبه وكان علماء بغداد إذ ذاك هم الدنيا. علماء بغداد c'était la ville où avait l'imam Ahmed رحمه الله. الحلاج il est venu juste après l'époque de l'imam Ahmed. Ça veut dire qu'à Baghdad, à cette époque, il y avait la da'wa de l'imam Ahmed Qawiyah, Muntashira, ses élèves, il a akhir. Ils étaient tous unanimes, l'ulama, à Baghdad, annahu c'était un kafir. Et ils ont fait le fatwa, annahu il doit être exécuté. Wa fariha al-muslimun bihada. Amma Islam ibn Ahmed dans son audio au début, pour lui c'est de la sauvagerie. Ben il a dit, ça c'est pas din al-islam, ça c'est din al-shaytan. Et il critique ceux qui ont montré au gouverneur annahu il doit exécuter hada zindiq qui se prenait pour Allah. On voit la pitié qu'il a eu pour le mujrim et la dureté qu'il a envers les musulmans, ay Islam Ahmed, envers Ahl-Sunna, envers Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Bel بعض الصحابة رضي الله عنهم يطعن فيهم comme on a expliqué dans les durous. فلهذا قال la réaction des fanatiques dans l'histoire. Les fanatiques, comme ils les appellent, c'est ulama al-milla, من الحنابلة والمالكية والشافعية, ابن كثير c'est un شافعي المذهب رحمه الله. Et il a montré كفر هذا الزنديق. Une des causes أن هذا الرجل استيقاق إسلام ابن أحمد, وأنا je le connais pas ولله الحمد, لكن les quelques audios que j'ai écoutés pour les redoutes qu'on a fait il y a quelques temps et aujourd'hui, أن الرجل أتيا من باب الكبر, il a un kibr عجيب. فلهذا يكريتيك الأمة, que ça soit dans le domaine du hadith, que ça soit dans العقيدة. فلهذا انظر إجمع العلماء بغداد à cette époque, كما قال ابن كثير رحمه الله, إذاك هم الدنيا, c'était eux la référence. Dans tout le monde islamique, la référence fait l'ilm à cette époque, c'était Bagdad. Comme à une époque, c'était le Medina, comme à une époque, c'était en Égypte, comme à une époque, c'était Cham, cette époque, c'était Bagdad. Houa, tout simplement, il dit la réaction des fanatiques et il rejette leur kalam. Iyadam billah. Qala l'imam Nukathir, rahimahullah, fil bidaya wa nihaya, ahvarat zawjat ibnihi Suleyman, fadakarat anhu fadaih kathira. La fille, ou la femme de son fils, sa belle-fille. Il avait un fils qui s'appelait Suleyman et il était marié avec une femme. Cette femme, elle a rapporté des ajaib, des fada'ih, des choses très très graves. Min dhalik, on peut citer une qissa que l'imam Ibn Kathir a rapporté, rahmatullah alayhi, et d'autres. Annahu arada an yaghshaha wa hiya na'imatun fantabahat fa qala qumi ila as-salah. Al-khabil. Annaha, elle dormait marra, sa belle-fille, et, iyadan billah, il a essayé de faire le fahisha ma'aha. Et elle l'a vu. وقال الإمام الذهبي رحمه الله لا من قصة وقالت أي سابلفي ولما أصبحنا ومعي بنته أي elle était avec la fille de l'Hallaj, أي سابل سر أي la femme de son fils, elle était avec la fille de l'Hallaj. قال نزل, il est descendu, فقالت بنته اسجدي له, la fille de l'Hallaj, elle a dit à sa belle sœur et la femme de Suleyman, fais sujoud pour l'Hallaj. عياذا بالله فقالت أو يسجد أو يسجد أو يسجد لغير الله, est-ce que on va faire un sujoud pour autre qu'Allah. فسمع كلامي, الحلاج il a entendu sa belle-fille dire هذا, est-ce que je vais me prosterner pour autre qu'Allah. فقال نعم إله في السماء وإله في الأرض. هذا أولا, qu'est-ce qu'on peut tirer de هذا النقل, أن le kufr dans الحلاج c'est pas que dans ses poésies, contrairement à ce qu'il prétend. فقال إسلام أحمد c'est que dans la poésie, vous vous rappelez Al-Kalam. Et ماذا قال كذلك الحلاج, je le considère comme un savant impur, pour moi c'est une personne que l'on doit respecter, respecter هذا الخبيث المجرم, respecter هذا الفاسق الملحد. Pourquoi tout cela à votre avis? أما الحلاج والله الحمد الآن il est pas trop connu, خاصة dans le monde francophone, ses ouvrages sont pas trop propagés, لماذا هذا الدفاع? Pourquoi essayer de le défendre à tout prix et essayer de montrer que c'est que de la poésie, c'est des métaphores, se contredire, dire qu'il a des égarements, thumma dire que les erreurs elles sont pas prises en compte, limada tout cela, al inhiraf, l'égarement, limada li anna hada ar-rajul Islam ibn Ahmed. Si vous remarquez que annahu, à chaque fois que ahl sunna ils ont un qawl, que annahu il veut les contredire. Maintenant, le Sahaba, il contredit. Al-Hallaj, il contredit. Ibn Taymiyyah, il contredit. Pourquoi? Les Annahu, il a voulu apprendre din tout seul. Et il l'a dit dans un de ses audios. Dans un de ses audios, il raconte son cheminement fil ilm. Et, on dirait l'inhiraf. Il raconte, Annahu, au début, il était à la sunna, il a akhiré. Il était très jeune. Thumma, un jour, il a compris qu'il n'était pas d'accord avec la umma. La umma, l'ulama. Et il s'est recueilli tout seul dans un endroit pendant longtemps et il s'est remis en question et il a pris cette nouvelle tariqa. Allahu a'lam, est-ce qu'un shaytan il est venu le voir ou l'hawa et l'haraf. Thumma l'an, vu que son nouveau cheminement n'a plus besoin de revenir au savant de l'islam, Al-Albani pour lui c'est rien du tout. Ibn Uzaymin, l'imam, rahimahullah, dans un audio, comme taqaddam ma'ana, il l'a appelé le compagnon de l'Uyayna. On dirait à la khabi. Ibn Taymiyyah, c'est un perroquet. Muawiyah, radiyallahu anhu, sahabi al-jalil, katib al-wahi, Muawiyah, il a écrit la révélation au prophète alayhi salatu salam. Et il était, à l'époque du prophète salam, un compagnon. Enfin, pour lui, il a fait que du mal. Pour lui, il a volé, il a violé, il a harcelé. Enfin, qu'est-ce que tu espères de Hada? Il n'a plus de limite. Enfin, un même échec, il pense que c'est un mouchtahid. Enfin, il khalif. Il va khalif l'imam Dhabi, l'imam Nukadir, il va khalif des ijma'a. Wala yubali, yadam billah. Qala. الإمام الذهبي رحمه الله هو فسافر إلى الهند وتعلم السحر فحصل له به حال الشي حال شيطاني وهرب منه الحال الإيمان الحلاج il a voyagé en Inde et il a appris la sorcellerie عياذا بالله c'est un zindiq un munafiq il faisait apparaître l'islam فلهذا الإمام الذهبي رحمه الله il a démontré on a أنه il a perdu son إيمان وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وصح أنه دخل إلى الهند وتعلم بها السحر. Pourquoi on a cité هذا الكلام pour vous montrer que le kufr il est dans la poésie, le kufr il était dans ses paroles, le kufr il était dans ses af'al, il voulait qu'on fasse le sujoud pour lui et كذلك le kufr il était dans un autre naqid as-sihr. Après tout cela, on va dire que c'était un poète, une personne respectable qu'on doit respecter, son côté positif il est plus important. عيادا بالله. وقال الحلاج dans un autre vers de poésie كفرت بدين الله والكفر واجب علي وعند المسلمين قبيح أي قوله كفرت بدين الله والكفر واجب أي il montre أنه كفر بالله il est sorti de l'islam et le كفر c'est obligatoire عيادا بالله. وقال علي وعند المسلمين قبيح وما عند المسلمين c'est quelque chose de mauvais. Allez, c'est une qasida. Comment, quelle métaphore tu peux nous expliquer fihad? Imma, tu as deux cas. Imma, un majnoun, il a perdu la raison. Fihad al-hal, quelqu'un qui montre que c'était un majnoun avec des preuves. Inch'Allah, si c'était un musulman, il sera excusé, c'est pas ce qu'il dit. Wa illa, c'est un kafir, un mujrim, un mulhid. Et aucun imam a rapporté que al-hallaj c'était un majnoun, et qu'il avait perdu la raison. قال الإمام الذهبي رحمه الله وقد ذكر الحلاج أبو سعيد النقاشي كأنه كذا النقاشي في طبقات الصوفية فقال منهم من نسبه إلى الزندقة ومنهم من نسبه إلى السحر والشعوذة ça c'est Soufia. A Soufia, certains d'entre eux ils disaient que c'était un zindiq, un hypocrite, et d'autres ils disaient que c'était un sorcier. Et صاحبنا هذا الجاهل il dit c'est une personnalité respectable, un savant, il akhir. On finit avec une parole de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, et c'est une nasiha jamila. Qala fatadabbar ya Abdallah, nihlata al-hallaj, alladhi huwa min ru'us al-qaramita, wa du'at al-zanadika, wa ansif, wa tawarra, wa attaqi dhalik. الإمام الذهبي رحمه الله يفعل نصيحة pour ceux qui défendent الحلاج أي تأمل la biographie qu'il a cité fait سيارة علم النبلاء elle est longue une dizaine de pages ثم ينصح أن الإنسان il faut qu'il a du وراء et la taqwa il faut être juste لأنه هو dans l'audio qu'est-ce qu'il dit Islam ibn Ahmed et كذلك c'est une cause de ses égarements أنه il dit pourquoi vouloir faire sortir de l'Islam. Pourquoi vouloir emmener les gens en enfer? Ka'anna l'imam al-Dhahabi wa ibn Kathir ha'oula min a'immat al-Islam. Ka'annahum, ils ont été injustes envers lui. Et nous, quand on rapporte leurs paroles, on est injuste. Est-ce que nous, ça nous fait plaisir et on gagne quelque chose si al-Hallaj va fin nar? Evident. Lakin c'est min bab al-Nasiha. C'est min bab al-Bayan. On doit montrer aux musulmans que al-Hallaj, c'était ça sa situation. Amma vouloir le défendre. Ouais, il dit pourquoi vous voulez pousser en enfer les gens, pourquoi? Et nous on lui dit pourquoi tu défends les ennemis de l'islam, qu'est-ce que tu gagnes? Pourquoi t'essayes d'aimer de contredire les imams de la sunna? قال الإمام الذهبي رحمه الله وحاسب نفسك فإن تبرهن لك أن شمائل هذا المرء شمائل عدو للإسلام محب للرئاسة حريص على الظهور بباطل وبحق فتبرأ من نحلته أي سي après cette biographie. Tabarhana, ça vient de l'burhan. Et tu as des preuves. Un rajoul, c'est un ennemi de l'islam. Il aime ri'asa. Et ça, c'est une des causes d'égarement. Bardanes, ils aiment être en avant. L'imad, al-Hallaj, il avait pas d'ilm. Et il a essayé de se mettre en avant en inventant des choses. Bardanes, ils sont comme ça. en inventant une chose, peut-être que tu auras des suiveurs. Iyadan billah. Et ça a causé sa perte. Harisin ala dhuhur bi batil wa bi haq. Bardanas, ils veulent se montrer même bi batil. Que ça soit bi haq, bi batil, aham shay, qu'il soit pointé du doigt. Qala, fatabarra amin nihlatih. Si tu as compris la situation et l'état de cet homme, fatabarra amin. Tu le détestes, fillah. Et tu acceptes la parole des savants. Et walillahi alhamd annahum, ils l'ont exécuté, le gouverneur il l'a exécuté. Alhamdulillah, c'est un khayr pour le muslimin. Ou illa, peut-être qu'il aurait propagé ses égarements, comme il l'a fait le Jahm avant lui, le Jahm ibn Safwan. Qala wa in tabarhana lak wal iyad billah annahu kana wal halatu hadhi muhiqqan hadiyan mahdiyan. Et si tu penses qu'il est, il était guidé, il était à la khayr, il avait des côtés positifs, comme a dit, فَجَدِّدْ إِسْلَامَكَ وَاسْتَغِثْ بِرَبِّكَ أَنْ يُوَفِّقَكَ لِلْحَقِّ وَأَنْ يُثَبِّتْ قَلْبَكَ عَلَى الدِّينِ. Et ce, après avoir connu la situation de l'Hajjaj, وَكُفْرِهِ وَزَنْدَقَتِهِ, et il le défend, الْإِمَامَ الذَّهَبِي قَالْ فَجَدِّدْ إِسْلَامَكَ. نحن نكفر با إسلام ابن أحمد. لكن ça montre la gravité. Ça montre la gravité de l'égarement. Ala kulli hal, ar-rajul c'est un munharif, c'est un dhal. On n'a aucun doute fi hada. Ça c'est le minimum que tu peux dire sur hada ar-rajul. Ta'nun fi as-sahaba, ta'nun fi al-a'imma, ta'nun fi ahli as-sunnah, il rapproche ahli al-bid'a wa az-zayr, et az-zanadiqa il parle bien d'eux, fa madha turid? Qala fa innama al-huda nur yaqdhifuhu Allah fi qalb 'abdihi al-muslim wa la quwwata illa billah. C'est pour ça qu'on doit faire le du'a. Et demander à Thaba da'iman. Et quand al-haq vient, on l'accepte. Et al-hadar min al-ta'assub lil-rijal. Al-hadar, de défendre quelqu'un bi-ba'tal. Il s'est trompé, il s'est trompé. C'est un munharif, c'est un munharif. C'est un kafir, c'est un kafir. Pourquoi vouloir le défendre? Et tu fais du mal à ton din. Limada. Qala rahimahullah wa in shakakta. Troisième cas. Celui qui a des doutes. وَإِنْ شَكَكْتَ وَلَمْ تَعْرِفْ حَقِيقَتَهُ وَتَبَرَّأْتَ مِمَّا رُمِيَ بِهِ أَرَحْتَ نَفْسَكَ وَلَمْ يَسْأَلُكَ اللَّهُ عَنْهُ أَصْلًا. Si tu as des doutes, ça arrive. Bardanaz, ils vont dire, mais est-ce que le Hajjaj, il a vraiment fait ça? عَلَى كُلِّ حَالٍ تَتَبَرَّ مِنْ فِعْلِهِ. Tu dis, s'il a fait ça, c'est un adou lillahi azza wa jalla. Et là, je sais que c'est un kafir, un zindiq. Et alhamdulillah, qu'est-ce que tu vas faire? Et comme a dit l'imam al-Dhahabi, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te demandera jamais sur lui aslan. Pourquoi on a mis en garde contre al-Hallaj et ceux qui le défendent? Awalan, il y en a une série, elle va être propagée. Hatta al-Muslimoun. Inch'Allah, on connaît hal al-Rajul. Et kadalik, il y en a Islam ibn Ahmed, il a répondu à un audio. Annahu, il parle de bien en lui. Famine al-Wajib, c'est Rab. Et propager un audio qui montre ses égarements. Et Annabad al-Nas, khasatan ses suiveurs. Quand tu mets un rat contre Had al-Rajul, ils envoient des messages. Ils envoient des messages. Pourquoi tu ne vas pas le voir? Pourquoi? Il doit faire Tawba. Pourquoi aller voir Had al-Rajul? Et il sait très bien. Et Inad. Là, s'il n'est pas d'accord, écoute l'audio. Rat. Si tu t'es trompé, fais Tawba. Et tu ne veux pas qu'on prépage, fais arrête de propager le batil. Si le batil reste qu'en toi, ben, on ne le saura même pas. On ne pourra même pas répliquer. Amma, tu propages? On propage. C'est comme ça le haq. Nushan lillah. On n'attend rien de récompense de dunya. La nushan lillahi azza wa jal. Fatabayyana min hadha intaha kalam al-imam al-dhahabi. Fatabayyana anna islam ibn Ahmed hadha c'est makhdoul, munharif. On doit mettre en garde contre lui. Et la najbun fi dhalik. Même si certains disent ses suiveurs, abadan, rab, montre. Et al-ilm fihi khayr. Al-Ajib, dans cet audio, et on finit avec Had, dans cet audio qui dure à peu près 20 minutes, il a parlé une grande partie de l'audio d'Al-Hallaj, dans les 20 minutes, il a trouvé le temps de critiquer l'Arabie Saoudite, comme d'habitude. Limada, les Anahou, il critique Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, Cheikh l'Islam le Taymiyyah, l'Imam le Baz, l'Imam l'Albani, et Kathir min al-A'imma, enfin pour lui, al-Mamlaka al-Arabiya al-Saoudia, dans le cours, il dit Anna, c'est une daoula, kaza, elle n'a aucun khayr. Al-Hallaj, il a du khayr. Al-Hallaj, il a des côtés positifs. Et l'Arabie Saoudite, il lui a trouvé aucun côté positif. Ben, dans l'audio, il dit c'est un gouvernement des ténèbres. Il a akhri kam min kalam. Kadhalik, dans l'audio de 20 minutes, il a fait une thèse qui est pour un shi'a, al-Rawafid. Qala, les chiites, c'est des musulmans comme nous, même si on a des divergences. Al-Rajul, qult lakum, c'est un za'ir. Wallahi, je ne le connais pas. Et il n'y a rien entre lui et moi, min dunya ila akhri, lakin avec ses rododes, n'est aucun doute. La rahma qu'il a envers Ahlul Batil, et daiman il essaie de minimiser les égarements. On l'a vu avec le halal. Les chiites, al-Rawafid, ils insultent Aïcha, radiyallahu anha. Ils l'accusent de zina. Ils insultent Hafsa. Ils insultent Omar. Qablahu Abu Bakr. Uthman, radiyallahu anhum. Et yat'anoun fi Jibril, yat'anoun fi a'immat al-Islam. Combien d'égarements? Ya'boudoun al-Qubur ila akhiri. Quand c'est Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, ta'an, wa sab, wa shatm. Ça vous montre que le rajoul, c'est un za'ir. Fa haddiru min. Haddiru min, si vous connaissez quelqu'un qui l'écoute. Wa naktafi bihada, wa alhamdulillahi rabbil alameen.